Yo, Redfish. Hey yo, bad girl. Comme hôtel Yama, on y a un steak à chirer moins qu'au marijuana. Ou qu'à tout ça, ma back bitch à la Rihanna. Ma envie chayot, Santorini, même en pyjama. Oh my girl, comme hôtel Yama, moi c'est X-Men, Road Boy qui sorti Mada. En coumène qui pète pas, panidikara. Moi caillé qui roulait comme un yard dans la vitala. Oh my girl, qu'ils s'occupent de leurs affaires. My girl, mais à terre, fesses en l'air. Les fesses tournent comme l'hélice de l'hélicoptère. Ça fait des rats de marée et des tremblements de terre. Mais quoi qui drop in à yo pussy. Yeah. Mon vie décharge consiste en ouzi. Yeah. Pond des rivers, pond des beaux, tout jacuzzi. Yeah. Mon épi de soldat, donc mané de cousine. Yeah. Moi c'est le X-Gal. Ou suivre comme hôtel Yama. Ou ni un steak à chirer moins qu'au marijuana. Ou qu'à tout ça, ma back bitch à la Rihanna. Mon vie chayo, Santorini, même en pyjama. Oh my girl. Comme hôtel Yama. Moi c'est X-Men, Road Boy qui sorti Mada. En coumène qui pète pas, panidikara. Moi caillé qui roulait comme un yard dans la vitala. Oh my girl. Allons nous gérer ça tout de suite. Quittez-moi vrai mon ciel là qu'on satellite. Pas faire moins courir d'ailleurs, mon père, mais qu'on se poursuite. Qu'on dit les frangins, gars, y'en a foutre, gogo à chute. Qu'ils s'occupent de leurs affaires, my girl. Mais à terre, fesses en l'air. Les fesses tournent comme l'hélice de l'hélicoptère. Ça fait des rats de marée et des tremblements de terre. Coco. Comme hôtel Yama, yeah. On y a un steak à chirer moins qu'au marijuana. Ou qu'à tout ça, ma back bitch à la Rihanna. Ma envie chayot, Santorini, même en pyjama. Oh my girl, comme hôtel Yama, oui. Moi c'est X-Men, Road Boy qui sorti Mada. En coumène qui pète pas, panidikara. Moi caillé qui roulait comme un yard dans la vitala. Oh my girl.